Et oui, une petite surprise ce soir, un pré-mélomane tel qu'annoncé sur Facebook. On va se permettre un petit spécial hommage d'une heure à un autre iconoclaste de la musique qu'on a perdu cette semaine. Décidément, des grosses, grosses pertes dans le monde de la musique cette année. Vraiment, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, tout ça avant notre programmation régulière de Mélomane qui va débuter à 21h comme d'habitude. Mais sans plus tarder, on le laisse présenter son premier bloc hommage lui-même. Prince au 99.1 CFNJ. Dearly beloved, we are gathered here today to get through this thing called life. Electric word, life, it means forever, and that's a mighty long time. But I'm here to tell you, there's something else. The afterworld. A world of never-ending happiness. You can always see the sun. Day or night. So when you call up that shrink in Beverly Hills, you know the one. Doctor, everything will be alright. Instead of asking them how much of your time is left, ask them how much of your mind, baby. Cause in this life, things are much harder than in the afterworld. This life, you're on your own. And if the elevator tries to break you down, take a look around. At least you got friends. I call my old lady for a friendly word. She picked up the phone, dropped it on the floor. That's all I heard. I'm gonna let the elevator break us down. Oh no, let's go. Let's go crazy. Let's get nuts. Let's look for the purple banana. Controversy. now by the way you parked your car sideways at a wooden last. See, you're the kind of person that believes in making out once, love them and leave them fast. I guess I must be dumb, cause you had a pocket full of horses, Trojan and some of them used. But it was Saturday night, I guess that makes it alright. You see, what have I got to lose? Eyes when you drove me to the place where your horses run free. Cause I felt a little ill when I saw all the pictures of the jockeys that were there before me. Believe it or not, I started to worry. I wondered if I had enough class. But it was Saturday night, I guess that makes it alright. You say, baby, James, on the verge of being obscene. No more, baby. Give me the keys. I'm gonna try to take a little red love machine. We'll be right back. Et vous êtes exceptionnellement un mélomane, une heure à l'avance ce soir au 99.1 et 88.9 CFNJ. Et oui, pour un petit hommage maison à Prince, décédé la semaine passée à la surprise générale. On va faire ça bien humblement. Je sais que vous en avez beaucoup entendu parler cette semaine, mais on va essayer de faire ça différemment ce soir. Premièrement, lui rendre hommage en musique plutôt qu'en parlant, pour rien dire. Déjà, pour un gars qui a vécu sa vie pour sa musique et qui est même pratiquement mort dans son studio. Je pense que ça fait du sens parce que moi, ce que je retiens de Prince, c'est qu'il est à peu près rien de ce qu'on pense de lui et qu'il y a beaucoup à découvrir quand on se donne la peine de découvrir. Mais ça, on en reparle tantôt. Pour l'instant, on va y aller avec ce qu'on vient d'entendre. Donc, des gros hits quand même. On a terminé ça avec Little Red Corvette de 1983 que vous deviez sans doute connaître et qui est le deuxième single tiré de 1999, facilement un de ses albums les plus importants en carrière. Un album qui va caractériser ce qu'on va appeler le son de Minneapolis, un genre d'hybride d'électro-funk R&B qui va avoir une grosse influence sur les choses à venir et qui a carrément été inventé par Prince. Et parlant de funk, la base même de la musique de Prince, on a aussi entendu Controversy avec dans ce genre-là, longue pièce de 1981 tirée de l'album du même nom qui nous a laissé entrevoir le Prince provocateur, une chanson qui avait choqué et qui avait été considérée blasphématrice par certains parce que Prince y avait inclus le Notre Père au complet. Ironiquement plutôt, Prince, qui serait devenu témoin de Jéhovah vers les années 2001 par l'entremise de Larry Graham, bassiste de Sly and the Family Stone, en voulant dire qu'il aurait peut-être trouvé lui-même que c'était blasphémateur en fin de vie. Bref, plein de surprises, ce cher Prince, qu'on a aussi entendu au tout début de sa carrière en 1979 avec « I Wanna Be Your Lover », qui était précédé d'une pièce qui, je trouve, a magnifiquement bien commencé notre petit hommage, Let's Go Crazy, la pièce qui ouvrait son album le plus populaire et de loin, soit la trame sonore de son film Purple Rain de 1984. Une pièce au début de laquelle Prince nous parle de l'afterworld, donc la vie après la mort, donc c'est tout indiqué. Et ça nous a montré aussi en fin de chanson ses talents de guitariste dont on va reparler tantôt. Et on poursuit en musique. On va explorer entre autres des chansons que Prince a composées pour d'autres artistes. Mais pour l'instant, on se transporte en 1980 pile avec Dirty Mind au 99.1 CFNJ. Baby, lucky, I guess you could say she was a sex fiend. I met her in a hotel lobby, masturbating with a magazine. She said, how'd you like to waste some time? And I could not resist when I saw little Nikki grind. Castle, and I just couldn't believe my eyes. She had so many devices, everything and money could buy. She said, sign your name on a dotted line. The lights went out and Nikki started to grind. Can't tell you what you did to me, but my body will never be the same. Heaven, will you kick your behind? Oh, just show you no mercy, but just shout up, shout up, shout you. All over, all I found was a phone number on the stairs. It said, thank you for a funky time. Call me up whenever you wanna grind. CFNG. Maybe I'm just too demanding. Toujours à Méloman au 99.1 et 88.9 CFNJ. Spécial hommage à Prince qui nous a quittés la semaine passée. Et oui, la chanson qu'on vient d'entendre, vous la connaissiez, l'Irlandaise Sinéad O'Connor, avec de loin son plus gros succès en carrière, Nothing Compares to You, de 1990. Et on avait un indice parce que To You est écrit 2U et ça, c'est le trademark de Prince. Vous la connaissiez, mais ce que vous saviez peut-être pas, c'est que c'est effectivement une composition de Prince. Prince, qui est son vrai nom, soit dit en passant, quand même. Bref, c'est ce qui nous amène à soulever un fait important de la carrière de Prince, c'est que vous connaissez des chansons plutôt de lui, peut-être sans le savoir, parce qu'il a composé une foule de chansons pour d'autres artistes. Donc, morale de l'histoire, même si vous pensez que vous l'aimez pas, vous l'aimez peut-être sans le savoir. Et sinon, on a entendu facilement un de ses plus gros hits aussi, When Doves Cry, chanson emblématique de son fameux Purple Rain. Une chanson où on peut entendre une fraction du talent de guitariste de Prince, parce que non, Prince n'est pas juste un petit Michael Jackson mauve. C'est entre autres surprise le concernant un excellent guitariste qui pouvait faire un solo comme s'il n'y avait pas de lendemain. D'ailleurs, je vous conseille fortement d'aller voir sur YouTube « While My Guitar Gently Weeps » de George Harrison, version Tom Petty, Jeff Lynne et Steve Winwood. Vous allez voir ce que je veux dire. Encore une fois, plus impressionnant qu'on pourrait le penser, ce cher Prince. Faut jamais le sous-estimer. Et en plus, en bonus, vous allez voir en arrière-plan le fils de George Harrison qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau en 1964. Et sinon, on a aussi entendu, toujours de Purple Rain, l'excellente Darling Nikki, qui avait fait scandale en 84 et qui est une des raisons pour lesquelles on retrouve aujourd'hui des avertissements de type parole explicite. Vous savez, le logo sur les albums, Parental Advisory. Ça, ça nous vient de l'épopée de la fameuse croisade de Tippi Gore, la femme d'Al Gore à l'époque. Parce que c'était aussi un provocateur, Prince, et c'était précédé du succès de 1985 de Sheila E. A Love Bizarre, une autre chanson, en fait, en duo avec elle. Et nous, on y retourne pour un tout dernier bloc de notre spécial hommage à Prince. Un dernier bloc. Don't worry, I won't hurt you. I only want you to have some. Avec 1999 au 99.1 CFNJ. We'll be right back. You don't have to be fresh to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. I love the jealousy. I want your head to turn your kiss. CFNG. Thank you. black heroes die. Maybe I'll kiss you some wild special way. If nobody kills me or thrills me soon, I'll die in your arms under the chair. Lovers like us, dear, are born to die. If they don't find us, what will we do? I guess we'll make love under the cherry moon. I'll die in your arms under the cherry moon. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. CFNJ 99.1 Et c'est ce qui conclut notre mini-hommage à Prince, un peu improvisé. Écoutez, il y aurait eu tellement à dire pour rendre justice à Prince. Compositeur, arrangeur, multi-instrumentiste qui jouait de pratiquement tous les instruments sur ses albums, un guitariste incroyable, comme on a dit tantôt, un gars qui a exploré une foule de styles différents. Bref, on aurait pu faire un 2-3 heures facile, mais quand même, je pense que musicalement, on s'en est pas trop mal tiré. On a écouté des gros hits, mais aussi quelques autres chansons plus rares à gauche, à droite, comme Under the Cherry Moon, qu'on vient d'entendre et qui nous provenait d'un film musical du même nom réalisé par Prince lui-même en 86. Et c'était précédé de la pièce Head, Funky à souhait, tirée de l'album Dirty Work de 1980. Et sinon, deux méga hits, Kiss, très connu de 86, qui va être reprise par The Art of Noise et Tom Jones 2 ans plus tard. Et la pièce titre de son grand album 1999 de 1982. Donc, comme je disais, on aurait pu continuer longtemps encore, mais on a toute une autre émission régulière de Mélomanes qui nous attend. Donc, j'espère que vous avez apprécié. On se retrouve de l'autre côté des nouvelles et de la météo pour un méga spécial Mélomanes 1967 à ne pas manquer. Donc, on se reparle dans quelques minutes.